Bien entendu, il y a des hommes sur terre. Bien entendu, il y a la guerre. Bien entendu, il y a de l'atmosphère. Bien entendu, on est tous dans la même galère. Bien entendu, il y a des ombres solitaires. Bien entendu, il y a la misère. Bien entendu, il y a toi et moi. Bien entendu, on sait qu'on ne durera pas. Mais par contre, dans lui se meurt. On se le cache, on se le ment, on se l'aime. Par contre, le temps demeure. Mais il n'existe que le temps d'être passé. On se reverra.